Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Alexandre Dumas, le grand maître du roman historique. Ce qui manquait à nos grands écrivains, lorsque jusqu'alors ils se mêlaient de romans historiques, c'était cette espèce de capacité à ramener l'histoire à des drames simples. Dumas, lui, sait cela. Chez lui, c'est inné, c'est un véritable don. Et si l'histoire lui sert de creuset, elle ne l'embarrasse jamais. Qu'est-ce que l'histoire, écrira-t-il, un clou auquel j'accroche mes romans ? Franck Ferrand, l'animateur de l'émission Au cœur de l'histoire en mai 2019, véritable romancier de l'histoire en effet, Alexandre Dumas est aussi l'un des auteurs les plus connus et les plus prolifiques de son temps. C'est plus de 100 000 pages autour de 300 œuvres qu'il nous laisse, Alexandre Dumas, œuvres parmi lesquelles figurent quelques grands classiques indémodables. On pense bien sûr aux Trois Mousquetaires, mais aussi aux Comtes de Monte-Cristo. Alexandre Dumas, avec vous, c'est l'enfance, ces heures de lecture savourées en secret, l'émotion, la passion, l'aventure, le panache qui entre au Panthéon. Avec vous, nous avons été D'Artagnan, Monte-Cristo ou Balsamo, chevauchant les routes de France, parcourant les champs de bataille, visitant palais et forteresses. Avec vous, nous avons emprunté un flambeau à la main, couloirs obscurs, passages dérobés, souterrains. Avec vous, nous avons rêvé. Et avec vous, nous rêvons encore. Le président français Jacques Chirac, lors de la cérémonie du transfert des cendres d'Alexandre Dumas au Panthéon, le 30 novembre 2002, pour nous parler de la vie, de l'œuvre d'Alexandre Dumas également, j'accueille l'historienne Évelyne Ferron, qui est chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, professeure d'histoire au Collège Mérici à Québec et animatrice du balado L'incroyable histoire. Évelyne Ferron, bonjour. Bonjour. C'est à l'adolescence, Évelyne Ferron, que vous découvrez Alexandre Dumas, puis on vous entend effectivement revivre ça déjà avec bonheur. Ça a été important pour vous. Vous dites même que ça a été déterminant dans votre passion pour l'histoire, dans cette idée d'éventuellement devenir historienne. Parlez-moi de ça, de cette rencontre, de votre rencontre avec Alexandre Dumas. Qu'est-ce qu'il a représenté pour vous? Je dirais qu'il a représenté, c'est le romanesque, c'est le chevaleresque, c'est certain, mais c'est d'être capable d'inclure des personnages qui ont vraiment existé, leur donner une couleur aussi. Donc, c'est là qu'on a un intérêt parce qu'on réalise qu'ils existaient. Donc, moi, j'ai lu Les Trois Mousquetaires comme premier roman en secondaire 3. Alors, ça fait déjà longtemps. Mais il faut dire que je suis de la génération qui avait eu les dessins animés enfants japonais, entre autres, et qui étaient traduits en français. On avait deux émissions, en fait, sur les Trois Mousquetaires. Donc, j'avais baigné là-dedans de savoir qu'il existait une brique, si vous me permettez l'expression, un gros roman bien dense sur les Trois Mousquetaires. C'était là que, en secondaire 3, je me suis dit, ça y est, je plonge dans cet univers. Et ça y est, j'ai été happée j'aimais bien quand Jacques Chirac disait, vous nous avez fait visiter des palais, des forteresses, parce qu'effectivement, on chevauche avec les personnages, on entre dans les petites chambres parfois, un peu glauque, où il y a ce terre des personnages qui sont un peu plus sombres. On rencontre des Milady, on a des hommes aussi qui ont chacun des traits de personnalité qui sont tellement différents. Donc, c'est comme une mosaïque, non seulement d'histoire, mais c'est comme une mosaïque aussi de différentes émotions humaines ou de traits de personnalité de l'être humain. Donc, moi, j'ai été complètement saisie par ça. Les Trois Mousquetaires restent mon grand amour littéraire à vie, je crois. Ouais. Parler d'Alexandre Dumas, c'est bien sûr parler d'une œuvre considérable, je le disais au tout début de l'émission, mais c'est aussi parler de la vie de quelqu'un qui n'est pas banal. C'est un personnage plus grand que nature. Un petit mot là-dessus avant de s'attaquer à son œuvre, justement. Quel genre d'homme était Alexandre Dumas? Je crois que le premier mot qu'on doit lui donner, c'est l'extravagance. C'est quelqu'un qui, était plus grand que nature, un ogre, c'est un terme qu'on va beaucoup utiliser pour décrire Alexandre Dumas, mais je dirais que extravagance et passion, c'est ça qu'on trouve dans ses romans, mais il était tellement passionné par la vie et tout ce qu'elle avait à offrir, qu'il a été un touche-à-tout. Il est vraiment complexe, Alexandre Dumas, parce qu'il a tellement de champs d'intérêt, il en découvre tellement des des nouveaux à peu près à chaque 2-3 ans de sa vie, qu'il va vraiment accomplir beaucoup de choses. Et je dirais qu'il est passionné par le fait d'apprendre, l'apprentissage. Et donc, c'est un curieux, Alexandre Dumas. Donc, c'est pour ça qu'on le voit passer de la poésie au théâtre, à la chronique historique, au récit de voyage, au roman, au théâtre historique. Il y va dans tous les sens. Il va même terminer avec la gastronomie et le voyage. Donc, c'est quelqu'un qui, je crois, a croqué dans la vie au maximum de ce qu'il pouvait. Mais c'est peut-être quelque chose qui l'a usé plus vite que d'autres aussi. Oui. Parlons de ses origines. Il naît en 1802. À quel milieu appartient-il? Quel genre d'enfance, quel genre de jeunesse a-t-il? Ben, il vient de sa mère est de la petite bourgeoisie de Villiers-Cotterêts. On est vraiment la petite bourgeoisie commerciale. Mais ce qui est intéressant du côté d'Alexandre Dumas, qui est quand même né donc le 24 juillet 1802, c'est que son père, qui s'appelle Thomas-Alexandre David de la Paetrie, eh bien, cette famille-là, à ses origines, c'est Saint-Domingue. Et il faut dire que la grand-mère paternelle d'Alexandre Dumas est une esclave de Saint-Domingue. Donc, elle s'appelait Marie-Cécette Dumas. Et le père, d'ailleurs, va décider de prendre le nom de Dumas, qui n'est donc pas son nom d'origine, lorsqu'il va commencer à entrer dans l'armée française et qu'il va combattre au sein de l'armée napoléonienne. Alors, Alexandre Dumas est le fils d'un héros de guerre qui a vraiment été auréolé de gloire, mais qui, au nom du combat et des normes de l'époque, va être abandonné sur le long d'une route en Italie par Napoléon. Il sera fait prisonnier, il va décéder en 1806. Donc, Alexandre Dumas n'a pas connu vraiment son père, il était trop jeune, mais déjà, ce héros de guerre, cette ombre va planer sur lui, sur sa famille et ça va le marquer son enfance. Il va avoir la chance quand même très vite de pouvoir, grâce à des amis, à entrer très rapidement là, dans, on pourrait parler de clair comme début de carrière pour Alexandre Dumas. Il va travailler dans différents bureaux. Il va être ce qu'on appelle un saute-ruisseau chez un notaire. Il va faire des choses comme ça. Il n'aime pas les études, c'est ça qui est très étonnant. Comme s'il avait un esprit qui n'est pas capable de s'arrêter. Mais il va quand même obtenir une place qu'on appelle d'employé dans les bureaux du duc Louis-Philippe, duc d'Orléans. Oui. Et c'est comme ça qu'il arrive dans le Paris de la Restauration. Et c'est là qu'Alexandre Dumas, je crois, va s'éveiller à la vie autre que juste faire un travail pour obtenir un salaire. Il va réaliser qu'être curieux, être passionné, la littérature qu'il va découvrir dans les salons littéraires de l'époque, eh bien, ça peut être une carrière en soi. Et donc ça, c'est arrivé à Paris, elle est marquante et déterminante pour la suite des choses. Et c'est là qu'il va très tôt se lier, quand il arrive à Paris, à Hugo, Vigny, Musset, Lamartine. Et lui-même, comment il en vient à l'écriture, Évelyne Ferron? C'est sûr qu'il arrive à une période qui est assez particulière, qui est le Paris de la Restauration. Donc, on est vraiment là, on parle de 1815-1830, on est du point de vue littéraire aussi dans la montée du romantisme. On veut délaisser le classicisme qu'on trouve un peu rigide et amener justement la sensibilité. Alexandre Dumas fréquente ces fameux salons littéraires qui sont très en vogue à l'époque et c'est là qu'il découvre, en fait, justement, entre autres en contact avec Victor Hugo, mais plein d'autres, des romans étranger. Il va découvrir Goethe, il va découvrir surtout Sir Walter Scott, qui, je pense, c'est celui qui a peut-être le plus laissé une empreinte, peut-être un peu, sur le style d'Alexandre Dumas. Mais il est en train de découvrir aussi comment le théâtre, le vaudeville, on peut amener en fait un style qui est beaucoup plus décoincé, en fait, à la littérature et au théâtre. On peut faire vivre des émotions aux gens. Et c'est ce qui va être déterminant, je dirais, pour la suite des choses. Et donc, lui et Hugo ne suivront pas nécessairement tout à fait le même style littéraire, mais ils seront portés quand même par cette idée de faire parler des personnages qui ne sont pas juste de la haute nécessairement. Et c'est par le théâtre, vous parliez de théâtre, c'est par le théâtre qu'il fait ses débuts avant de s'attaquer au roman, qui sera quand même son grand genre avec cette œuvre dont on parlait dès le départ, Les Trois Mousquetaires, qui est d'abord publiée en feuilleton dans les journaux, puis qui est publiée en volume en 1844. Et c'est cette œuvre-là, Les Trois Mousquetaires, qui est un chef-d'œuvre, qui fait connaître Dumas, qui le rend déjà presque légendaire ou éternel. Lorsque D'Artagnan arriva en vue du petit terrain vague qui s'étendait au pied de ce monastère, Athos attendait depuis 5 minutes seulement et midi sonnait. « Monsieur, dit Athos, j'ai fait prévenir 2 de mes amis qui me serviront de second, mais ces 2 amis ne sont point encore arrivés. Je m'étonne de ce qu'ils tardent, ce n'est pas leur habitude. Je n'ai pas de second, moi, monsieur, dit D'Artagnan. « Car arrivé d'hier seulement à Paris, je n'y connais encore personne que M. de Tréville, auquel j'ai été recommandé par mon père, qui a l'honneur d'être quelque peu de ses amis. » Athos réfléchit un instant. Vous ne connaissez que Monsieur de Tréville ? Demanda-t-il. Oui, monsieur, je ne connais que lui. Ah ça, mais, continua Athos, mais si je vous tue, j'aurai l'air d'un mangeur d'enfants, moi. Attendons ces messieurs, je vous prie, et cela sera plus correct. Ah, en voici un, je crois. En effet, au bout de la rue de Vaugirard commençait à apparaître le gigantesque Porthos. Quoi ? S'écria d'Artagnan. Votre premier témoin est Monsieur Porthos ? Oui, cela vous contrarie-t-il ? Non, aucunement. Et voici le second. D'Artagnan se retourna du côté indiqué par Athos et reconnut Aramis. « Quoi ? S'écria-t-il d'un accent plus étonné que la première fois. « Votre second témoin est Monsieur Aramis ?»« Sans doute. Ne savez-vous pas qu'on ne nous voit jamais l'un sans l'autre et qu'on nous appelle à la cour et à la ville Athos, Porthos et Aramis, ou les trois inséparables ?» Le comédien Guillaume Gallienne lisant un extrait du roman « Les Trois Mousquetaires » à l'émission « Ça peut pas faire de mal » diffusé à France Inter en juin 2020. C'est avec « Les Trois Mousquetaires » donc que Dumas connaît la gloire, Evelyne Ferron. C'est, je disais d'ailleurs beaucoup par le roman qu'il va se faire connaître. Que dire de ce premier grand chef-d'œuvre de Dumas, « Les Trois Mousquetaires » ? Ben, il se démarque de ce qu'il a fait auparavant, plus du côté du théâtre. Là, il entre justement dans le romanesque. Et ça, c'est un terme qui est important lorsqu'on lit Les Trois Mousquetaires. Il comprend en fait que les gens recherchent, je dirais, des personnalités qui, auxquelles ils peuvent s'attacher. Donc, on a des personnages qui sont très, très attachants, ça, c'est sûr, mais qui ont des traits de personnalité qui peuvent être très différents, mais qui peuvent s'accorder. C'est le cas de nos Trois Mousquetaires. Mm-hmm. Parce qu'Athos, Porthos et Aramis ne se ressemblent pas du tout. Ils ont chacun, en fait, une personnalité qui détonne par rapport à l'autre, mais ça ne nuit en rien à cette amitié qui va naître entre ces trois hommes-là et va se joindre à eux, ce jeune D'Artagnan, qui est très différent aussi. Donc, Alexandre Dumas avait compris qu'il fallait construire l'intrigue autour de personnages non seulement principaux comme nos mousquetaires, mais des personnages secondaires aussi qui vont venir ajouter à l'intrigue. C'est un spécialiste de l'intrigue. Alexandre Dumas, mais l'intrigue rapide. Il n'y a jamais de pause, en fait, dans ce roman-là. On suit les aventures page par page. On veut toujours connaître la suite. Et il se greffe comme ça des personnages comme Constance, va se joindre des personnages comme Anne d'Autriche, le cardinal de Richelieu et Milady de Winter aussi, qui est un personnage absolument fabuleux parce qu'il y a aussi ça, autant les hommes que les femmes vont se retrouver dans un roman comme Les Trois Mousquetaires parce qu'il va être capable de mettre en scène des personnages féminins qui sont aussi forts, en fait, que les personnages masculins. Et là, vous êtes dans le cap et d'épée où on décrit très, très bien les combats. On décrit aussi des valeurs qui sont importantes dans le Paris, même d'après la Restauration, après les Glorieuses et tout ça, c'est l'honneur. Ouais. L'honneur qui est tellement une valeur importante à cette époque-là. C'est mis en avant-plan, c'est porté différemment par les personnages parce que même ceux qui sont vilains sont eux aussi, d'une certaine façon, quand même portés par l'honneur. C'est juste qu'ils n'ont pas tout à fait la même définition que nos mousquetaires. Le sens du devoir aussi qu'on doit mener jusqu'au bout. Et c'est ce qui nous accroche, c'est ce qui nous donne envie de chevaucher avec eux jusqu'à la fin. Donc, c'est absolument fabuleux dans la manière dont c'est construit, je vous dirais. Crois-tu que j'aime être le comte de Monte-Cristo? C'est un homme terrible, impitoyable et froid. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu devenir cet homme-là. Moi, il me suffisait d'être Edmond Dantès. Je n'attendais rien d'autre de la vie. Mais ils m'en ont empêché. Villefort, Morcerf, Danglars et même l'autre larve de Caderousse qui savait tout et qui n'a rien dit en essayant de tuer le jeune marin qui ne demandait rien à personne. Ils ont fait naître le vengeur qui vient leur demander des comptes. Bien, tant pis pour eux. Extrait de la télésérie de José Dayan, Le Comte de Monte-Cristo, avec, vous l'avez peut-être reconnu, Gérard Depardieu. Tout de suite après Les Trois Mousquetaires, donc, Dumas publie Le Comte de Monte-Cristo, belle lancée, on va dire ça comme ça. Son œuvre, peut-être la plus connue, Évelyne Ferron? Peut-être celle qui, avec Les Trois Mousquetaires, a eu la plus grande pérennité, assurément, oui. Parce que, bon, Les Trois Mousquetaires, au départ, bon, on était en feuilleton, mais ça a été publié en roman dès 1844 et 1845-46, suit Monte-Cristo, où là, on, plutôt que de suivre plusieurs personnages, on en suit un. Le fameux comte de Monte-Cristo. Et là, on est dans une histoire beaucoup plus sombre. On est dans une histoire, en fait, de trahison. On est dans une histoire de vengeance qui va devenir d'une complexité abracadabrante, mais tellement bien ficelée, tellement intéressante, avec, bon, encore une fois, des personnages secondaires qui sont attachants. Qu'ils soient méchants ou qu'ils soient bons, ils trouvent encore ce moyen de nous faire aimer à peu près tous les personnages de ce qu'on pourrait appeler, je dirais, l'ancêtre des séries télé de vengeance. Là. C'est le Comte de Monte Cristo a créé le style, en fait, où on va suivre dans une série, en fait, d'intrigues un peu alambiquée et compliquée. Quelqu'un qui veut mener sa vengeance à terme, mais qui va devoir attendre très, très longtemps. La vengeance est un plat qui se mange froid et le Comte de Monte Cristo en est l'incarnation, je dirais. Et donc là, on va jouer vraiment dans à peu près toute la trame des émotions humaines, mais on est dans le voyage, on est dans comment on peut réussir à être fourbe sans que ça paraisse trop, comment on peut réussir à devenir l'ami de quelqu'un, mais dans l'espoir, en fait, de lui nuire. Donc, ouais. On joue dans quelque chose qui est très complexe, en fait, dans le Comte de Monte Cristo. Et je pense que c'est ce qui a rendu cette œuvre-là encore plus populaire que Les Trois Mousquetaires, parce qu'il y a une finesse, en fait, qui a été apportée. Je dirais la complexité des personnalités, des personnages qu'on a dans cette œuvre-là. Ouais. On est dans l'âme humaine, toujours et toujours encore. Ah oui. Parmi les grandes œuvres d'Alexandre Dumas, on ne peut pas non plus ne pas signaler La Reine Margot, qui va être porté au grand écran par Patrice Chéreau en 1994. Armagnac! Je t'ai cru mort. Ils t'ont permis de me rejoindre. Je me suis converti, moi aussi. Bon, n'aie pas honte. L'important, c'est qu'on soit vivant. Pourquoi sonnent-t-on les cloches? Y a plus personne à tuer. Si. Ton ami Condé qui nous a glissé entre les pattes. Un protestant de plus ou de moins, vous n'allez pas en faire une maladie. Tu es le roi d'un pays catholique aujourd'hui. Tu peux être fier. Oui, tu peux être fier. Tu es le roi d'un pays où plus rien ne s'agite, hormis des pendus au gibet. Paris est un cimetière. Tes sujets sont des morts couverts de terre, des vivants couverts de honte. Et vous, vous qui êtes toujours si inquiète pour mon fils, vous pouvez être tranquille. Ils sont maudits pour l'éternité. Et moi aussi, je suis maudite. Pourquoi ? Parce que vous avez invité vos victimes à mes noces. Vous vous êtes servi de moi. Vous vous êtes servi de nous comme un peuple carnage. Extrait du film La Reine Margot de Patrice Chéreau, à La Reine Margot, qui fait partie des grands classiques que nous a laissé Dumas. Mmh. C'est la trilogie, en fait, Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo et La Reine Margot. Je pense qu'on peut, on peut dire ça, Évelyne Ferron. Oui, c'est sûr que La Reine Margot va peut-être avoir un peu moins, je dirais, d'impact au départ, parce qu'on est un tantinet moins dans le roman d'aventure. Là, on commence à entrer dans l'histoire, je dirais, des guerres de religion qui ont laissé des blessures un peu plus importante chez les Français. Et là, ben, on sent qu'il y a une critique, en fait, politique qui arrive dans La Reine Margot, parce qu'Alexandre Dumas va quand même aussi être pris de politique, il va vouloir s'impliquer, il va croire au départ beaucoup aux idées républicaines, lentement, mais sûrement, à un moment donné, bon, il va peut-être se nuancer, mais c'est qu'il touche quand même à un épisode qui est dramatique pour l'histoire de France, qui est le massacre de la Saint-Barthélemy, qui a lieu, en fait, le 24 août 1572, donc après le mariage de la reine Margot avec le futur roi Henri IV, qui a servi, en fait, de trame pour qu'on puisse assassiner, en fait, tous les Huguenots, les protestants qui s'étaient réunis là, à Paris pour le mariage, qui visait au départ, avec Catherine de Médicis, c'était l'objectif, à régler les guerres de religion. Donc, on touche à quelque chose qui est beaucoup plus sombre dans l'histoire de France, beaucoup plus violent. On invente une personnalité à la reine Margot qui, dès la publication du roman, va être un peu contestée aussi. Donc, il ose là, toucher à des personnages historiques et leur donner une couleur ou une saveur qui n'est peut-être pas celle que les gens avaient en tête. Et donc, c'est ce qui fait que La Reine Margot va susciter peut-être un peu plus de critiques, mais néanmoins reste un roman historique majeur parce qu'il touche à un événement quand même, un grand bouleversement de l'histoire de France, assurément, là, donc, qui sont les guerres de religion au 16e siècle. Ouais. Bon, vous nous parliez... Revenons à l'homme pour terminer cette émission. Evelyne Ferron, vous nous disiez au tout début de l'émission que c'était, bon, un personnage plus grand que nature, un bon vivant, un amoureux, un gastronome. Décrivez-moi un peu cet être-là, c'est-à-dire cette bibitte qu'était Alexandre Dumas. Ben oui, on peut dire l'amoureux. Donc, très vite, il découvre les femmes, son amour des femmes. Il semble avoir été un très grand séducteur. Il n'a pas de problème à s'associer aux femmes. Il va avoir des aventures avec sa lingère, qui est la mère de son fils, d'ailleurs, Alexandre Dumas, qui va écrire La Dame aux Camélias. Il va se lier beaucoup avec des comédiennes. Il va se lier avec une Allemande dont il va avoir un fils, Henri Boer. Il va avoir des aventures aussi, je dirais, avec d'anciennes amies, parce qu'il a quand même des amitiés aussi solides avec des des femmes. Oui. Il n'en épouse qu'une seule, qui est Ida Ferrier. Et là, quand ça ne va pas bien du point de vue politique, il doit lui aussi aller à l'exil. Parce qu'il faut dire que les années 1840-1850, c'est l'époque où il est très riche, où tout va bien. Il va se faire construire un château de Monte Cristo qui va lui coûter une fortune. Et là, ben, malheureusement, ben, ça, la politique en France, tout s'effondre. Dumas, un peu comme Hugo, vont devoir partir en exil en Belgique. Et Dumas voyage. Il découvre le voyage. Et là, ben, il écrit des chroniques de voyage. Il se met lui-même en scène. Donc, il y a un narrateur qui met Alexandre Dumas, le voyageur, en scène. Je dirais que ses chroniques de voyage, c'est la deuxième chose à lire tellement. C'est fabuleux. Son regard sur la Russie, sur l'Italie de Garibaldi. Parce qu'il va être passionné par Garibaldi aussi. C'en est un personnage qui aurait fait un personnage de roman fabuleux, donc il veut le rencontrer. Garibaldi va même le mettre à la tête de ses musées un certain temps. Donc, c'est un touche-à-tout, au point où même il aimait tellement la nourriture aussi qu'il avait commencé une encyclopédie de la cuisine qui va être publiée à titre posthume en 1873, où il parle même de manger de l'ours, il va jusque-là. Alors, quand je vous disais qu'il est passionné de la vie en général, eh bien, ça, c'est l'autre volet de la personnalité d'Alexandre Dumas, que ce soit dans l'amour, la nourriture, la bonne chère en général ou le voyage. Il est toujours poussé, en fait, par une nouvelle curiosité. Et tout ça s'arrête en 1870. Il meurt cette année-là, laissant dans le deuil quelques bons amis, Hugo, entre autres, son fils aussi, parce qu'il faut dire qu'il y a comme trois Alexandre Dumas, son fils Alexandre Dumas, qui est le troisième Alexandre Dumas de la dynastie. Oui, c'est celui, on le connaît surtout pour La Dame aux Camélias. Et d'ailleurs, quand Alexandre Dumas, père, va même connaître la faillite, parce que son château de Monte Cristo lui a coûté une fortune, et là, ben, c'est la fermeture des théâtres, ça ne va pas bien. Ben, c'est son fils qui connaît la gloire à Paris. Donc, pendant que le père est en exil, le fils connaît la gloire, mais c'est sûr qu'ils sont indissociables l'un de l'autre, même physiquement. Hein, cette chevelure un peu particulière des fils de Dumas, on les reconnaît tous un peu. Mais c'est sûr que lorsqu'il décède en 1870, Victor Hugo est peut-être celui qui va lui rendre le plus vibrant hommage, dans l'espoir effectivement que son œuvre passe à la postérité, parce que ça a été son inquiétude à la fin. Ce que j'ai laissé, est-ce que ça va me survivre? Il n'était pas certain de ça, il avait vraiment très très peur. Et on peut dire que ses enfants et Victor Hugo ont beaucoup contribué, je dirais, à la pérennité de son œuvre. Yveline Ferron, historienne, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, professeure d'histoire au Collège Mérissé à Québec. Merci beaucoup, Yveline. Ça m'a fait plaisir. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Annie Richer, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Olivier Lalande. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou sur notre application Radio-Canada Audio. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.